Peut-on faire un chef-d'œuvre avec des monstres ? Pourquoi pas ? Si l'artiste ou les artistes ont su dépasser la laideur pour en faire une curiosité, une rareté. Dans l'art baroque, on peut trouver des exemples du genre, mais s'agit-il de beauté, ou plutôt d'étrangeté ? Irait-on dire qu'il s'agit de la beauté du diable ou de l'étrangeté d'un maléfice ? Si vous êtes un amoureux de l'Italie, et plus particulièrement de la Sicile, vous avez peut-être parcouru cette île qui recèle mille merveilles, au printemps de préférence, pour que la Sicile s'offre à vous comme un énorme bouquet de fleurs. Et si vous avez visité la Sicile, vous êtes peut-être arrêté à Baghiera, au sud de Palerme. Baghiera est loin de la mer et un peu à l'écart des circuits classiques, mais elle attire bon an mal an quelques milliers de touristes. Son principal attrait, c'est la villa Palagonia. Dès qu'un autocar de visiteurs s'arrête devant la villa, on entend toujours les mêmes commentaires. « C'est une vraie collection de monstres !»« Non mais regardez-moi celui-ci !»« Et celui-là est encore plus laid !»« C'est à avoir des cauchemars toute la nuit !» D'autres sont moins sensibles et disent « En tout cas, on peut dire que ça sort de l'ordinaire, hein ? Ça date de quelle époque ? Et qui est-ce qui a fait construire ça ?» Le guide de l'endroit s'empresse de répondre aux questions en débitant son petit discours. Parfois, ce sont des guides étrangers qui racontent la terrible histoire de la villa Palagonia. Toujours la même terrible légende. Mais s'agit-il bien d'une légende ? Mesdames, messieurs, vous êtes ici dans le parc de la villa Palagonia, dite villa des monstres. Elle fut construite sur l'emplacement d'un domaine plus modeste par Don Francesco Ferdinando Gravina, prince de Palagonia. Ce noble sicilien était le chambellan de Sa Majesté Charles III, roi de Naples et de Sicile, sous le nom de Charles VII. Charles VII est né à Madrid en 1716, il est mort en 1788. Il a régné sur la Sicile de 1734 à 1759. Le guide reprend son souffle tout en pénétrant dans la villa, enfin, dans ce qui reste de ce palais qui dut être splendide. Don Francesco Ferdinando Gravina était connu dans toute la Sicile pour sa laideur proverbiale. Dès son plus jeune âge, il était gras et chauve. En plus, il était affecté d'une gibbosité énorme qui le rendait bossu. On le surnommait le chameau. Mais ce n'est pas tout. Le groupe de touristes retient son souffle. Que pouvait-il donc avoir de plus, ce pauvre Don Francesco Ferdinando ? N'était-ce pas suffisant comme ça ? Une jeune fille dit « Il était peut-être affreux, mais il avait les moyens hein, pour se faire construire un palais de cette dimension avec toutes ces affreuses statues ». Le guide ne relève pas la remarque et il poursuit. Non seulement il était gras et bossu, mais son visage était un chef-d'œuvre de disgrâce. Imaginez une figure toute en longueur, comme une lame de couteau. Sur ce visage étroit, la nature, ou Dieu le Père, avait jugé bon de greffer un nez énorme, rouge, gonflé. Et la peau de son visage avait été marquée d'une manière indélébile par la petite vérole. Quelqu'un du groupe lance pour détendre l'atmosphère. Rien n'est petit chez les grands. Mais les touristes sont fascinés par le récit du guide qui continue en ménageant ses effets. Ah, ce malheureux Don Francesco Ferdinando possédait pourtant de magnifiques yeux bleus. Oh, ben tant mieux, soupire une dame. Hélas, ces deux yeux ne regardaient pas dans le même sens. Don Francesco Ferdinando Gravina louchait à faire peur. Le groupe reste songeur, le guide continue. Quand il arrive à l'âge de 42 ans, Don Francesco Ferdinando Gravina, malgré sa laideur, tombe amoureux. Jusque-là, il n'a jamais songé à s'unir à personne. Qui voudrait de lui, même parmi les princesses les plus laides de l'Italie ? Et voilà qu'il tombe amoureux d'une jeune fille de Palerme. C'est la fille d'un petit commerçant. Il l'a croisée par hasard en se rendant aux cérémonies de la fête Dieu ou du Saint-Corps du Christ. Quand il la voit, Don Francesco Ferdinand dit « Voilà celle qui sera ma femme. » La jeune fille se nomme Maria Gioacchina. Elle est effrayée de l'honneur qui lui échoit. Comment pourrait-elle imaginer de se retrouver entre les bras d'un tel monstre ? Don Francesco se déclare très vite, et devant les réticences de Maria Gioacchina, il plaide sa cause. « N'ayez pas peur de moi. Je suis laid, mais mon cœur est bon. Et puis je suis riche, puissant. Entre mes bras, vous oublierez ma laideur. Vous serez une des reines de la Sicile. » Maria Gioacchina ne peut répondre. Elle secoue simplement la tête en signe de dénégation. La terreur que lui inspire l'aspect de Don Francisco lui coupe la parole. Mais Don Francisco possède des moyens de persuader le père de Maria Gioacchina, et c'est le 12 avril 1747 que les noces ont lieu. Toute la noble assistance remarque les yeux rougis de larmes de la pauvre Sicilienne. Une fête somptueuse a lieu dans la villa de Baghiera. Le duc de Messine, cousin de Charles VII, représente le roi. Immédiatement après la fête, les époux partent en voyage de noces à Rome. Un impatient demande « Alors ?» Eh bien alors ! Durant son voyage, Don Francesco se rend compte du succès de sa trop belle femme. Il en devient jaloux et se demande comment retenir un tel trésor. Alors il convoque des sculpteurs les plus talentueux de Sicile, qu'ils soient italiens, allemands ou espagnols, et il leur commande toute une série de statues, des statues monstrueuses. Chacune doit être le portrait d'un monstre encore plus répugnant que lui-même. Les artistes sont enfermés dans la villa avec à leur disposition des tonnes de marbre de Carrare. Pour retrouver leur liberté, ils doivent sculpter sans relâche. Au bout de quelques mois, Don Francesco possède des dizaines de monstres qu'il fait installer tout autour de sa villa. Il en remplit les chambres, les couloirs, les toits de son palais. Mais ce n'est pas tout. Le guide reprend son souffle. Sous l'effet de sa jalousie obsessionnelle, Don Francesco est pris d'une folie morbide. Il cherche à s'entourer d'œuvres de plus en plus répugnantes et macabres. Les tables des salons, par exemple, sont des tombeaux. Les pendules représentent des femmes éventrées. Des monstres mi-humains, mi-animaux sont disposés partout. Un véritable cauchemar en marbre blanc. Il fait enfin exécuter un buste de Maria Gioacchina, où elle est représentée à demi dévorée par les vers et les insectes. Et puis une nouvelle idée lui vient. Sous le coup de l'émotion, plusieurs personnes éprouvent le besoin de s'asseoir. Mais le guide poursuit imperturbable. Don Francesco fait supprimer tous les miroirs de son palais et les fait remplacer par des glaces déformantes. Maria Gioacchina n'a même plus la consolation de contempler sa propre beauté. Don Francisco, toujours à l'affût d'une nouvelle folie, décide de faire sculpter un homme affublé de deux têtes de bouc. Il choisit comme modèle Giacomo, un berger des environs, un jeune homme d'à peine 20 ans. Mais Maria Gioacchina, en voyant le jeune homme blond et musclé, en tombe amoureuse. Elle a besoin de connaître d'autres caresses que celles de son monstre de mari dément. Et alors l'inévitable a lieu, elle se donne au joli Giacomo. Elle connaît le bonheur pour la première fois, mais aussi pour la dernière fois. Quelqu'un dit, il les a surpris ? Oui. Prévenu par on ne sait qui, Don Francisco surgit dans la chambre de la belle Maria Gioacchina et découvre les deux amants en flagrant délit. Et d'un seul coup d'épée, il tranche la tête du pauvre Giacomo. Puis il resserre ses grandes mains sur le cou de la pauvre Maria Gioacchina et il l'étrangle. Mais désormais, Don Francisco Fernando Gravina est inconsolable de la mort de son épouse. C'est au pied d'une statue qui la représente qu'il se suicide d'un coup de pistolet quelques mois plus tard. Et depuis cette époque, la villa des monstres a la réputation d'être la villa du malheur. Les légendes commencent à se répandre. On raconte que des marins en goguette disparaissent en mer après avoir la veille brisé une des statues. Et ce n'est pas tout. On ne retrouve plus de jardiniers pour entretenir le parc de la villa. Une touriste s'écrie. Et si nous allions dans un lieu moins sinistre ? Je crois que je vais m'évanouir. La municipalité devrait démolir ce lieu maudit. Ben justement, il en est fortement question. La municipalité socialiste n'entend pas laisser Baghiera subir la malédiction de Don Francesco. On voudrait ouvrir le parc pour en faire un lieu de loisirs, de détente, y organiser un jardin d'enfants. Deux conseillers municipaux vont mettre aux voix le projet de détruire la villa aux monstres de fond en comble. Mais aux dernières nouvelles, ce projet n'a pas vu le jour, sans doute par peur de quelques maléfices. La villa aux monstres à Baghiera attend donc toujours votre visite.